Chop it, chop it. Il nous en reste un. Vous avez un problème, nous avons un podcast! Bonjour, oui, devant public, pour une dernière fois en 2012, nous avons un 151e podcast. Ici Frédéric Barbouchy en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred! Salut Antoine, ça va bien? Oh oui, super, toi? T'as l'air d'aller mieux, je suis content que t'aies récupéré. Absolument! Cette semaine dans le sud, m'a replacé. Ah, t'es pas encore allé? Oui, non, j'arrive là. Ah, t'arrives là? La croisière aussi, hein? T'as fait une croisière. Okay. Croisière. Ah, on est fin décembre. Wow. Jean-Philippe, ça va bien? Salut Fred, ça va bien toi? Oui, oui, oui. Au temps des fêtes, Fred? C'est pas encore passé. Mais voyons donc. Non, c'est pas encore passé. Voyons donc. Oui, c'est Noël dans quelques jours, là. Je dois être mêlé, j'ai vécu des affaires extraordinaires. Parfait. Qui devaient ressembler au temps des fêtes. Salut Mathieu, ça va? Sayonara, plein d'élique. C'est à la fois pas drôle et insultant. Qu'est-ce que tu... Je pense que juste en respirant fort, Mathieu pourrait me rendre saoul. Oh, il vient nous tousser. On est non, mais 2012 est l'année du dragon. Oui. Mais oui. Ça veut dire... 2013. Oh, on est en 2013. Là. Non, on n'est pas arrivé encore... Antoine, oui, tu as dit quelque chose... Oui, on a un problème. Oui, mais juste avant, j'avais... j'ai de la belle poutine. On en a deux, je pense. J'ai de la belle poutine cette semaine. Oui, vas-y donc. Premièrement, joyeux Noël en avance à tout le monde. Oui, et, joyeux Noël. Bonne année. Parce que nous, oui, on peut applaudir ouais. La belle année. Oh. Bravo à vous. Et peut-être que c'est... À moins que ce soit notre dernier podcast et tout le monde meurt demain. Oh. Donc... Cela dit, nous serons de retour le 18 janvier. On prend 3 semaines de break. Bien mérité. Faux, ben. Oui. Hey, faux. Hein. Et vous êtes, c'est terminé, là. Si, en tout cas, il vous reste peut-être aujourd'hui ou demain pour participer au concours Comment changer le monde avec le moins d'efforts possible. On va annoncer le gagnant, pas notre prochain podcast, l'autre après. Hein? Donc, 25 janvier, on va annoncer ça. Ouais. Des prix incroyables. À date, là, c'est la comédienne Danielle Proulx qui remporte parce qu'elle a fait aucun effort. Aucun maudit effort. Ben, elle s'est maquillée, non? Même pas. Pour faire cornemuse, c'est ça? Non, c'est le temps de se démaquiller, c'est ça le problème. C'est ça, aucun effort. Bon, ben bravo, Danielle. Non, mais voilà. Donc, on de retour le 18 janvier. Mais pour vous, comment on dit? Sustenter? Vous sustenter. Sustenter. On a un dernier podcast oui! En 2012. Ouh! Et le problème est le suivant, Jean. Allons-y, qui nous vient de Pierre-Luc, qui est ici devant nous ce soir. Salut. Yeah! Bonsoir. Bravo. Ouais, bravo d'être là. Oui. Comment éviter de devoir manger de la bouffe dégueulasse lors d'un souper important? On parle ici de rencontre avec la belle famille, rencontre avec un client, pardon, etc. Hey, bonne question, ça, quand même. On va le vivre dans le temps des fêtes. Moi, je l'ai déjà vécu, étant donné que je l'ai vécu le temps des fêtes avant vous. Mais pour vous, là. Hmm? Pour vous. Oui. Excusez, on a... Différentes méthodes. On a beaucoup de solutions sur Twitter, déjà. Antoine, quand est-ce que ça a été inventé, la bouffe dégueulasse? Ouais. Très tôt, je te dirais. Sûrement. Hein. Avec la bouffe. Mais là, Pierre-Luc, on parle de bouffe dégueulasse. Poutine, gogosse, non? Non, c'est pas bon. C'est dans le pire scénario, cuisiné par l'autre. Ah oui, ouais. C'est ça, là, tu ah fais. Ouais, c'est tu, ça, tu dis, je crois pas que je vais manger ça ce soir, mais je me sens obligé parce que c'est. Exactement, ouais. Et c'est mauvais. Okay. C'est ta mère qui te reçoit. Ouais. C'est le problème que j'ai. Non? Oh, salut, Huguette. Salut, Huguette. Ouais, salut, Huguette. Ça fait mal. Non, ben, tweaker à patente que ça se passe au resto, déjà. Oui. Mm-hmm. Tu peux choisir. Ben, un peu plus, tu sais. Même d'ailleurs, un mauvais resto, tu peux peut-être trouver quand même quelque chose. Sur Twitter, il y a quelqu'un qui propose à souper au noir. Tu sais, le resto où on soupe dans le noir. Oh! Oui. C'est délicieux, c'est tu jettes tout ça à terre. OK. Au noir, c'est pas le restaurant dans Saint-Michel, là. Mathieu? Je veux dire, ça parle ça pas à même tellement de niveaux. C'est parfait. Les gens t'applaudissent pareil. Ces trois gars-là, ils les aiment, mes blagues. Ouais. OK. Mais oui, Antoine, noir, on t'écoute. Oui. Restaurant, oui, il y a choisir ses fréquentations. Non, non, mais non, mais tu sais, c'est la belle famille, par exemple, quoi que ce soit, tu t'assures que ta blonde, son père ou sa mère, peut-être de grands chefs cuisiniers. Mm-hmm. Donc, tu pourrais. C'est un des, ça peut être un des critères maintenant quand tu rencontres quelqu'un. Essayer d'aider Laurie ou Raphaël. C'est ça. Exactement. Puis ou, juste avant oui, de servir, exact. Daniel Vézinov, il est toujours dans la cuisine en faisant manger. Ah oh oui, puis à la fin du repas, Julie Bélanger dit la bière va être bonne, en tout cas. Oh, la bière va faire du bien. Il y a des soirées concept avec des écoles de nourriture où, dans la soirée, tu fais toi-même ta nourriture. C'est comme un cours de cuisine. Okay. Tu peux peut-être aussi amener ça dans la famille. Hein, ce oui. soir, on fait notre nourriture. Déjà, de faire sa propre mauvaise nourriture, c'est moins pire. Mm. Mais c'est quoi des écoles de nourriture? Penses-tu, mettons, au lycée du canapé ou l'université du sablé? Entre autres. L'école de la crème molle? Il y a ça. Juste Nancy. Prétexter des allergies. Oui, on l'a sur Twitter, ça aussi. Ou un type d'alimentation très particulier où à ce moment-là, tu peux peut-être amener toi-même ta nourriture sans froisser l'autre, dire hey, « moi, malheureusement, je ne mange que du McDonald's. » Oui. Est-ce qu'on y va rapidement Twitter? Oui. Il y a Grégoire qui nous fait « sauce piquante, mettre beaucoup de poivre. » Oui. Déjà, ça, tu sais, ça, on empêche ouais. de goûter. JB, apprendre des trucs de magie pour faire disparaître dans sa poche, manche, la bouffe non désirée. Oh, ce qui ressemble à Seinfeld qui crachait le matin. Oui, oui, dans les napkins. Dire qu'on est allergique aux différents aliments offerts. Ouais. Moi, j'ai fait ça depuis des années et ça fonctionne. Ouais. Non, c'est pas vrai. Je suis vraiment allergique. C'est pas vrai que t'es allergique au poulet quand on a mangé chez Jean-Philippe. Là. Mais oui, c'est vrai, au sésame aussi, tu m'avais dit ça. Il est pas allergique au poulet, il y a une petite intolérance. Alors, venez là. Faire de petites portions, être sous-mort, je suis pas sûr de comprendre. Sous-mort, yes. C'est un bon truc. C'est souvent une solution. C'est comme deux solutions. OK, oui. Aller chez le dentiste juste avant, se faire geler la bouche et dire qu'on peut avaler que du mou. Ouais. Bon ouvrir goût. Ses horizons culinaires pour découvrir que cette bouffe n'est pas dégueulasse aux yeux de certaines cultures. Ah oui. Hein? Bravo. Ben ouais, c'est beau, ça. Regarde, c'est une solution, pas... c'est Jésus qui a écrit ça. Oui. Oui. C'est Jésus. Si c'est au restaurant, on y va la veille et on teste des trucs sur le menu. On prend la même chose au souper important. Donc, ah, ça, c'est bon. Faire du repérage. Oui. Hein, on avait parlé de ça dans ouais. faire des choix aussi. Oui. C'est comme chez Valentine, quand tu sors des hot dogs, t'es déçu. Fait que pour ton souper du 31 décembre chez Valentine. On a utilisé la technique Bieber, se gaver de lait et renvoyer le trop-plein sur la table. C'est Pat Silverwolf qui nous a merci écrit ça. Pat. Oui. Peut essayer de régler le problème à la source si c'est souvent au même endroit, puis dans le temps des fêtes, offrir des livres de recettes. Oh! Ouais. Ah. Une chose qu'on aime. Exemple, genre cuisiner slody avec Louis-François Marcotte. Là. Ben, ouais, exact. Mm. 30 recettes pour cuisiner ses ongles avec Benjamin. Oui, ben oui. Oh, il fait un braisé de cuticules. Là. Un velouté. Oui. Velouté. Oui. Non, mais là, suivez-moi. Là. Si vous devenez une personne qui se fait remarquer pour porter une casquette, hein, tu sais, comme « Ah oui, oui, t'es telle personne, l'homme à la calotte. Porte toujours une casquette. » Avoir un petit tube de choses qu'on aime broyer au préalable chez très soi. C'est très bon, ça. Et se squeezer le bras un peu pour faire sortir de la bouffe, manger, tu sais. Puis faire « Ah, oh, je vais juste prendre une entrée, j'ai pas vraiment faim. » Mais tu sais, ouais. tu pourrais manger juste avant aussi, peut-être. Hey. Non, non, c'est trop compliqué. La Garde. Casquette, ça va beaucoup toute façon, mieux. Ouais. Continue, Fred. Déjà, la casquette est là avec l'heure devant tes yeux sur la palette pour oui. te rappeler le temps qui passe. Une casquette un peu Run DMC, là, très haute. Oui. Ça, c'est très bon, ça. Qui est écrit SIDA 1, moi 0. Ouais. Ah, oh, ça va pas bien. Prétexter un jeûne religieux. Ouais. Moi, souvent, là, entre le 24 et le 31, je dis « Je ne peux pas. Mon bouddhisme m'interdit de manger. » Puis je finis là, moi, vous le dire, à la belle province. me la quatre poutaines. Sacrément. Mais ce qui... Ça compte pas le problème, mais de... Si t'es pour manger les choses dégueulasses, là, je sais que... Moi étant quelqu'un qui... Moi aussi, je suis un peu picky dans ce que je bouffe. Ça va, Mathieu? Ça... J'ai faim. Mais quand je mange quelque chose que je suis pas habitué de manger, ou j'aime ça avoir quelqu'un qui le sait pour l'impressionner. Donc, si jamais... Il faut vraiment que tu manges une petite motivation pour te faire manger. C'est ça, je vais prendre... Mathieu, j'ai hâte de réécouter ce podcast-là. Je t'ai pas écouté juste avant. Et moi, je parle pas beaucoup. Je surveille Mathieu. Je suis sûr qu'il va tomber bientôt dans un coma éthylique. J'ai bu à peine 12 pintes. Oui. Développer un trouble alimentaire, l'anorexie, ça empêche bien des affaires. Oui. Monsieur Richard, ici. Tu prends une salade César. Bon, c'est une façon comme une autre. Cire maximum. Voilà. C'est passe-partout. Tout le monde aime ça, la salade César. Ben oui. Verre solitaire, c'est pas toi qui manges. Oh! Ah, très bon, Antoine. Oui. Pour convaincre de sortir, là, début janvier. Ben oui. C'est assez. Ouais. Paraît que c'est comme ça que Renée Zellweger a perdu son poids après Chicago. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Un verre solitaire. Mais voyons. Mais il y a un parasite chez les poissons qui mange la langue et qui prend la place de la langue chez les poissons, puis il bouffe. Ouais. Peut-être avoir ça! Ouais. Oui! Est-ce que c'est un poisson? Non, c'est un non, c'est un parasite! Mais voyons. Il y a des filles au fossile de poissons qui font la même chose. Ils te mangent la langue. Ben voyons donc. T'imagines quatre poutines. Mais dans un rap, c'est toujours bon, non? Tout est bon dans un rap. Tout est bon dans un rap. Oui. Je comprends pas. Vas-y. Fais le rap, là. Oui, mais fais du beat. J'embarque. Attends, j'embarque. OK, j'y vais. Là. Tout est bon dans un rap. Ouais. Ouais. Mais traîner, c'est ça, son assaisonnement, là. Tu sais, l'intérieur du veston avec oui. Les petites épices. Excusez, t'en veux-tu? Ouais. Ah ouais, très bon, ça. On n'avait pas déjà parlé, d'ailleurs, de rajouter des épices dans quelque chose. Sauf que c'est un des problèmes précédents. Ouais, je pense que c'est une solution. Ça, puis Magnota, c'est des solutions à toutes. C'était comment ne pas procrastiner? Oui. Jean-Philippe, tu m'as déjà parlé, toi, de ton père, que, mettons, tu lui demandes « Donne-moi une bonne pièce de viande, papa », puis qu'il te donne un vieux steak congelé. Ah ouais, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu as fait dans ce temps-là, mettons? Ton père est bouché, c'est ça. C'est mon père, ça se pardonne. Tu peux dire ce que tu veux à tes parents, tu sais, des amis. Ouais, mais l'honnêteté, pourquoi pas? Mm. Hey, c'est pas très bon, hein? That's it. Ah, je pense qu'on serait surpris, moi, de la réaction des gens. Ouais. Mais, mais vraiment surpris. C'est ça. Sortir l'artiste en soi. Tu sais, des fois, jouer avec sa bouffe un peu, faire un petit dessin dans la... Je peux pas manger ça. C'est un chef-d'œuvre. Ah. Là, tu te brasses le bras comme ça. Tu pompes ta nourriture. Tu te squeezes un petit peu. La casquette. C'est trop beau. Qui oserait manger la Joconde en smoked meat? La dernière scène en poutine. Oh, mais le vieux, monsieur. Oh... Oui! Égarer son dentier. Même quand t'en as pas, tu peux faire semblant. Oui, c'est ça. Hey, la bouffe mauvaise que tu vas me servir, mets-la dans le blender avant. Oui. Oui, puis mets-les dans ton tube à casquette. Oui, c'est ça. Regarde, ça fonctionne. Tout le monde l'a adopté, le tube à casquette. Oui, ça fait trois fois que c'est repris. On a une. Oui. Oh! Tu parles tout le temps. C'est encore drôle. C'est pas manger, ça c'est gaver comme une noix. Ah oui. J'imagine que les choses très froides, on viendra à ton idée tout de suite. Ouf, j'ai déjà oublié. Peut-être goûte moins, là. Hydrogène liquide ou quelque chose. Oui. Hop, t'attires l'attention ailleurs. Tu gèles complètement tous les aliments. Oui. Là, tu croques ça. Puis ça goûte plus rien. C'est ou tu drôle, le brises par terre. Fait, mon repas est cassé. C'était l'inverse. Oui. En plus, tu peux prendre des retails pour te brûler les verrues. Ben ouais. Faire comme une personne âgée puis demander toujours plus chaud. jusqu'à temps que ça fusionne. Il y en a plus. C'est parti. Attendez. Traîner son chaud. Petit Tupperware. Puis-tu le remettre au froid? Hey, j'ai tellement mangé aujourd'hui, mais j'aimerais ça en rapporter chez moi. Et en sortant sur la rue, tu donnes à quelqu'un qui en a besoin. Ah, oh, très fort. Qui t'a sollicité, à qui oui, t'a c'est dit ça. Non. Mais j'ai de la bouffe. Il goûte, puis t'envoie chier. C'est dégueulasse. Pis c'est ben trop chaud. Là, tu dis, ben, t'as pas de manière, écoute, pas de problème. Voilà, voilà, on la boucle. On a tout bouclé. Mais c'est très bon. Et ça, voilà. Fred. À peine manger pour en avoir les autres jours. Hey, c'est tellement ouais. Bon. Là, j'en mangerais là, sans joke. Là, une donne-moi pincée pas ta recette, par jour. Donne-moi tout ouais. Ça. C'est comme, j'arrête de manger là. Je veux pas savoir la fin tout de suite. Je te le dis, c'est comme dévoiler un grand secret, ce repas-là. Mets-moi ça dans un Ziploc. Je vais en manger tout le temps. Oui. Hey, j'ai une autre solution. Oui. Je vais étirer. Si jamais c'est du spaghetti, je vais en rajouter des pâtes pour goûter toujours à la sauce. Non, je vous le dis, ça marche. C'est un fait vécu. J'ai visité les grands-parents de ma blonde. Oui. Et c'était quelque chose, ce repas-là. Mais mon enfant semblait en raffoler. Il adorait ça. Tu as tout donné à l'enfant. C'était comme, hey, arrête pas. Ah, je vais lui donner de mon assiette. Voyons donc. Il mangeait. C'est une chance qu'il était là, il m'a sauvé la vie. C'était des cubes de sucre dans de la ah soupe aux nouilles. Écoute, c'était... Tu peux essayer de couper l'appétit à tout le monde aussi. Ouais. Tout le monde est servi. Tu parles une bonne histoire de hey, moi j'ai déjà mangé mon vomi. Ouais, exact. C'est un exemple. Tout le monde fait ah, ouais, moi je mangerais pas, hein, moi non plus. Attends. Même si ça a l'air très bon, mais là, moi je sais pas tu pourquoi. Tu t'apportes un petit mélange de un pot de yogourt avec plusieurs yogourts mélangés qui donnent peut-être une couleur de vomi. Le frigo losange. Là, tu. T'étales oui. Ça sur le plancher, tu. Hop! Là, les gens viennent te voir, tu ah, oh, excusez-moi, puis là, tu leur manges. Il n'y aura pas de souper ce soir. Excusez-moi, j'ai hâte de manger avec vous. je m'excuse, j'ai mangé une moule empoisonnée ce midi. Fait que tu remanges ton vomi. Mais mon caca, il est correct. Voulez-vous le voir? Pis là, man, t'as une O. Henry dans un Tupperware. Oh! Ça va. Le requin. On est en train de faire plein de choses au requin, là. Donc, j'aimerais souligner le beau travail de M. Boily Boileau. Oui, merci beaucoup. Qui est au son. Ah, c'est grâce à lui que ces quatre derniers podcasts n'existeront peut-être pas. J'ai oublié de t'appuyer sur le piton. Il nous envoie sur Twitter la méthode Simpson, s'enduire la bouche de cire pour ne pas goûter. Oh, ah, ça, c'est le piment chili. Fort. Oui, le chili. Le piment fort, ouais, le chili. Magnifique. Nombre de fois j'ai fait ça. Puis il crache un bâton, hein. Hop. Ouais, il se prend de la cire, puis il crache un bâton de cire. Mais il y a une bonne scène de ça, de quelqu'un qui doit manger absolument chez les banlieusards, je sais pas si vous vous rappelez, là, le film. Avec oui, Tom Hanks! Tom Hanks chez les voisins de l'enfer. Puis il faut qu'il mange une sardine sur une pretzel. Puis sa femme a fait « Tu devrais en manger. » Puis il mange ça, puis il l'achoume. Ah, c'est un bon film de Noël. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est dans Indiana Jones 2, le... Ouais, la soupe aux yeux. Le serpent au petit serpent. Ah, c'est dégueulasse. Dans quel autre film on voit des choses dégueulasses? Hein? Oh, dans Band of Brothers. Ah, oui. On voit des choses dégueulasses. Léolo! Mais ils savent pas, ils ont pas l'air de. Ils ont mangé le foie de veau. Léolo! Brain Dead de Peter Jackson où la grand-mère mange son oreille. Je sais pas si vous l'avez vu, qui tombe dans du yogourt. Ouais, c'est ça. Hannibal, exact. Hannibal, ça a l'air bon, il cuisine pas pire. Il n'y a pas une légende urbaine d'un capitaine de bateau qui mange sa femme en se faisant dire que c'est de la soupe aux mouettes? C'est pas un film, ça, hein? Hey, tu viens de voler le punch! C'est les croisières à Québec. Les taveugles, puis c'est les croisières à Québec. C'est Québec 84. C'est l'activité la plus visitée de tout Québec 84. Wow! Ouais. J'avais mon porte-clés de chez Steinberg. Mais tu sais, on n'a pas parlé beaucoup des, de comment se tirer d'un dîner d'affaires mauvais. Mais tu sais, habituellement, c'est que tu peux créer la complicité avec le client en disant « Hey, c'est pas mangeable. » Il nous paye ce repas-là, mais c'est pas bon. T'sais. Mais ouais, c'est souvent au restaurant des dîners d'affaires quand même. Ouais, c'est ça. Oui. Non, mais ça peut être mauvais puis blâmer le restaurant. Ça peut être des soupers aussi. De le menu est déjà seté, là. Il y a beaucoup de monde. Ouais, exact. Il faut que tu manges ça, là, exactement. C'est sûr que prétexter les allergies, c'est facile, mais... Non, le petit vomi encore. Tu manges ça. Bah! Ou, tu sais, ou... J'arrive, je mange mon vomi, je vais vous rejoindre. J'arrive. Ou, tu sais, blâmer le chef. Mettons, là, t'es au pied de cochon, là. Tu dis, hey, regarde-les, Martin Picard. Il est large comme trois hommes. J'ai-tu envie de moi manger sa nourriture? Non, mais... D'être pas en santé. Juste de... Je l'ai croisé aux toilettes... Pis c'est pas laver les mains parce que ben moi je peux pas, je peux juste pas. Non, je peux pas. J'ai peur que son évincé de poireau goûte le pénis. Ça. Moi j'ai un de mes cousins. C'est ça que j'avais mangé, c'est en parlant. Moi j'ai un de mes cousins qui fait des inspections là, dans les restaurants. Oh c'est bon ça. Pis ça fait trois fois qu'ils sont à l'amende ici. Moi, moi je touche à rien. Je touche à rien. Ah non, il y aurait un mort dans la cuisine au moment où on se parle. J'ai sa photo, c'est une petite fille. C'est un mort qui bouille. Ouais. Ils se servent de Julie Pierre comme planche pour couper les légumes. Magnifique. C'est qui Julie Pierre? C'est la jeune fille morte! Ah, on a dans la salle, on a... Comment? Ouais, c'est ça, celle de ce matin. Elle est morte ce matin. Elle est morte à matin. Elle est morte à matin. Puis pas plus tard que cet après-midi, on fait une ratatouille. Oui, dans la salle. Oui, ta tourtière me fait penser au dernier plan qu'a préparé mon père avant qu'il meure. Ça fait vraiment mal. Oh, ouais. La réponse émotive, faire « je peux pas manger ça », c'est mon fils. Dans la tourtière. C'est bon, je peux pas l'opérer. Hey, les énigmes, là. Je vais l'opérer. Vous mangez-les, mais moi, je suis trop attaché. Mon fils que j'ai appelé Tourloure, la tourtière. Hey, aidez-moi un peu, là. Mais arrête-toi, Non, mais je pense qu'il faudrait peut-être aller chercher dans notre enfance les solutions qu'on avait. Moi, je sais que tasser dans un coin des affaires... Ouais. Puis réaménager l'assiette, oui, réaménager l'assiette, faire... Ouais. Oh, j'ai plus faim, tu sais. Un peu dans la napkin, un peu ses bars. Du ketchup. Dire aux autres, t'as-tu goûté à ça, c'est vraiment bon, même si on a la même assiette. Non, prends le mien, je te jure, c'est vraiment bon. Y a-tu la technique, tu sais, t'en manges un peu, puis là, quand t'en veux plus, ah non, tu vas peut-être en avoir plus. Mais tu sais, le vieux gag, là, tu défais la salière, pis ça tombe. Tu sais, oh, quelqu'un me l'a fait. C'est immangeable. Non, tiens, prends mon assiette. Prends mon assiette. Non. S'impliquer dans le processus. Ouais. Soit au niveau du service, par exemple, là, tu peux t'assurer d'avoir la plus petite assiette. Ouais, pour ramasser, tu te lèves. Ah, oh, hey, c'était délicieux, je ramasse. Dérangez-vous pas. Tu crisses tout ça à terre. C'est bon. Échapper ton assiette plusieurs fois. Aussi, ça fait quatre fois. Arrêtez de m'en redonner. Ça fait quatre fois que je l'échappe. Hey, je suis trop maladroit, je pourrais pas manger. S'offrir pour faire la vaisselle, mais dire que tu dois partir tôt. Fait que, OK, ben j'en fais là. Je vais laver mon assiette tout de suite, ça va être fait. Je vais laver mon assiette tout de suite, ça va être fait. J'ai mangé quatre poutines. Hey, c'est ça. Mais quand on va choisir où on mange, peut-être essayer d'influencer le plus possible, tu sais, de faire plusieurs voix, faire un buffet. Un buffet. Un buffet. Un buffet. On va dans un buffet. Hey, ben j'aime ça, l'idée de buffet. Voyons, ben, on va aller au buffet. Les huit personnages sketch ont dit qu'ils voulaient y aller. Oui. Ah, merci! Merci! Merci! Skinner, il a dit que les profs n'allaient jamais laisser tomber. Là, après, ils sont trois au buffet. Ils sont où les huit personnages sketch? On t'a toilette. Hey, moi, ma solution préférée dans tout ça, c'est manger de tout. S'ouvrir l'esprit. OK, là, je vais mettre quelque chose au clair, Mathieu. Faudrait que tu fasses un effort à partir de maintenant sur tes solutions préférées. Parce que tu dis toujours une marde. Ben là, l'autopoker, là, les huit derniers podcasts, c'était des bonnes solutions. Mathieu, on dirait que tu fais pas d'effort. Nous, on fait semblant de chercher quelque chose qui nous a intéressé. Puis on l'assume. Tu sais, souvent, c'est la dernière chose qu'on a entendue. Ou la blague dont on est le plus fier. Ouais, c'est ça. La moufette qui pète. Classique. Tes étires, là. OK, ben ma solution préférée, ça doit c'est faire des voix pour dire que je veux aller au... Non, c'est le tube, Mathieu! Le tube puis la casquette! OK, le tube avec les Doritos en purée. Pierre-Luc, c'est quoi ta solution préférée? Ben, avec la casquette, il y a le tube aussi. Bon. Tu peux avoir le tube. Non, j'aime mieux les voix de Buffet. Mathieu, on est prêt à avoir au moins 6 voix différentes qui disent pas aller au Buffet. Ouais. Ah ouais, fais-en 6. Non, j'ai pas 6. Vas-y. Hey, j'ai un seul personnage en 15 ans d'impro. Ah, non, t'en as 2. Le monsieur fâché. Pis la personne de même. Avec toi, ça fait 3. Vos solutions préférées, les gars? Faire la vaisselle tout de suite, je pense que ça sera jamais battu. C'est impeccable. C'est vraiment drôle. Recevoir chez soi. Ah! Antoine, come on, c'est pas ça le problème. Exposer les autres à nos mangers qui goûtent pas bon. C'est devenu un classique, tu vas chez nous, c'est là que ça se passe. Allez, là, tout le monde apporte un plat, et là, t'es pogné avec plein de plats que t'aimes pas. Tabar plat. Ah, tabar plat. Un pot pas de luck. Un pot. Non, mais le petit contenant à faire. Je veux en apporter chez moi. Il fait goûter à tout le monde. Ouais, c'est tellement bon, je vais le ramener. Ouais, c'est ça. Mais j'ai. Ce soir, par contre. J'en veux pour les générations futures. Ah, ouais. J'ai. Et prétexté que quelqu'un avant, de très important dans ta vie, t'a obligé à manger. Tu sais, j'arrive. D'un souper d'affaires, d'une autre affaire. Ma mère y était. Oui. Bon, il y a des solutions qui se trament dans le fond. C'est très drôle. Bon. Moi, je viens pour faire des podcasts chez vous. Ça, c'est drôle. Puis pas trop fort. Juste comme ça. Le ton où tout passe. Ouais. Hey, merci. Ça a été... une belle aventure. Oui, merci d'avoir été là, hein, tout le monde. Oui, merci au passage. Merci à Martin Boily, encore une fois. Oui, Martin Boily, en feu, le public. Merci à Madame Martin Boily aussi qui a quand même soutenu. Oui, merci qui a été là tout le long. Ouais. Ouais. Et un gros shout-out à nos amis Broadcast. C'est les bros de cast. Oui, oui, wow, ceux qui font des podcasts. Ça vient pas de moi. Mais tous les podcasts québécois qui en sortent à chaque semaine, qui sont là. Il y a quand même une petite culture là, qui se développe et on est content d'y participer. On a hâte au PodCamp Montréal 2016. Ouais. Je sais pas quand est-ce qu'il va en avoir un autre. Mais bref, si vous voulez vous en occuper, appelez-les. Un jour, on va mixer les gars de Pas de Problème avec les gars de 3 bières. Ça va être Pas de Bière. 3 problèmes. C'est peut-être plus intéressant, 3 problèmes. Oui, oui. Avec de la bière. Alors, il faut avoir du temps parce qu'il y a de la boisson! Magnifique! Je suis chaud! OK. Alors, on vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année 2013, et on vous souhaite de trouver la fève dans le gâteau le 6 janvier. Oui. Hein? Oui. D'ailleurs, si le gâteau est pas bon... C'est la faute au bye-bye. C'est tout le temps ça. Oui, c'est ça. C'est la faute au bye-bye. Et oui, on vous souhaite un joyeux bye-bye. Et oui. Voilà, le mot de la fin, on ne le dira pas tout le monde ensemble, ça fait toujours push un peu. Ouais, vas-y, Fred, toi. Ouais. Finir l'année en beauté. Vous avez un problème. No! Nous avons un podcast! Yeah! Ouais! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!